sommes le mardi 28 septembre 2021, je suis Philippe Vanek et vous êtes sur Balade Roller, le podcast de Roller en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler de la randonnée Loire-Estuaire qui s'est déroulée le dimanche 3 octobre 2021. Alors donc, je parle au passé puisque cet épisode sortira après le déroulement de cet événement. En effet, cet épisode sera tourné en trois parties, avant, pendant et après la randonnée. Donc j'ai avec moi Jean-Alain Rey, l'organisateur de cette manifestation. Bonjour Jean-Alain. Bonjour. Est-ce que je peux t'appeler J.A. Parce que je crois que c'est comme ça que tout le monde t'appelle. Ouais, on peut, il n'y a pas de problème. Bon. Alors tu fais partie du RCH, le Roller Club Herblinois. Donc c'est le club de roller de Saint-Herblain. Saint-Herblain, c'est une ville qui est juste à côté de Nantes. Et en même temps, tu es membre de la FFRS, donc la Fédération Française de Roller et de Skate. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les postes que tu occupes ? Ouais, tout à fait. Donc, ça fait à peu près depuis 2009, en fait. Je suis animateur sportif, en fait, de la section randonnée du Roller Club Herblinois. Et depuis quelques années, en parallèle aussi, je suis membre de la commission rando pour les Pays de la Loire et aussi de la commission rando au niveau national et membre du conseil d'administration de la Fédération française de roller et skateboard. D'accord. Donc effectivement, ça fait pas mal le... Enfin, c'est souvent la même commission rando, mais en plus ton travail dans le club, ça fait... Voilà, je pense que tu fais pas mal de choses pour le roller. Alors, est-ce que tu peux nous présenter la randonnée Loire-Estuaire ? Donc, depuis combien de temps est-ce qu'elle existe ? Combien de kilomètres elle fait ? Le tarif, etc. Ouais, du coup, la randonnée Loire-Estuaire, en fait, c'est la première cette année. On a organisé avec le club, en fait, pas mal de rando depuis maintenant presque 15 ans. Sous l'effigie d'Atlantis Sport, donc c'est un événement qui est organisé par la ville de Saint-Herblain et qu'au fur et à mesure on a développé sur une petite rando de 10 km qui fait en général une quarantaine de kilomètres. Et cette année, enfin, depuis 2 ans, on voulait essayer de faire un truc un peu plus important, de passer la barre des 40-50 km pour attirer aussi un peu plus de monde. En général, les randonneurs ont envie, s'ils se déplacent par exemple de Paris, Bordeaux, de se déplacer, mais pour avoir une distance assez correcte en fait à faire. Donc l'idée c'était de dépasser cette limite là. Donc c'était une rando qu'on a prévue depuis quelques années. Malheureusement avec la pandémie en fait on est à l'arrêt comme tout le monde. Qui était prévue donc déjà l'année dernière. Et qu'on a essayé de faire au mois de mars, repoussé au mois de juin, et que du coup on a réussi à la mettre début octobre dans un calendrier assez serré où du coup en fait tous les événements de rando vert roller organisés par la Fédération française de roller et skateboard se déroulent tous au mois de septembre et début octobre. Donc là depuis depuis 2 septembre en fait on enchaîne les randos avec notamment la première à Saint-Seb. D'accord, donc ouais. Donc tu vas être. Est-ce que c'est possible qu'il y ait plusieurs randonnées en France en même temps, le même jour ? On essaye d'éviter. On essaye d'éviter de se mettre en conflit sur les randos vertes. Par contre, ce qui peut arriver, c'est par exemple s'il y a une à Nantes et une autre à Marseille. Du coup, on s'autorise à en faire deux en simultané. À condition qu'au niveau matériel prêté par la fédération, il n'y a pas de gêne. Donc, la Fédé nous prête des toquilles, des différentes prestations là-dessus. D'accord. Alors, quel est le public visé ou le public attendu pour la randonnée donc Loire-Estuaire ? La randonnée Loire-Estuaire, on attend des patineurs habitués, plutôt sportifs. On a deux options cette année, qui est le 30 km et le 50 km. L'idée, c'était de permettre quand même à des patineurs un petit peu habitués, mais pas habitués à faire de la longue distance, de pouvoir faire quelque chose. Et du coup, on a mis en fait en place un système de bus pour rentrer Donc là, il y aura trois niveaux. Un niveau bluff, donc patineur un peu confirmé, qui ont l'habitude en fait de faire un peu de distance, faire 30 km. Ensuite, le 50 km, niveau rouge. Des patineurs un peu plus aguerris, habitués à faire de la distance. Et ensuite, un parcours niveau noir de 65 km, plutôt à des patineurs plutôt experts pour pouvoir faire la distance. Donc, il y a la distance, il y a aussi la difficulté, c'est qu'il va y avoir de la montée, des descentes. Et donc, il faut savoir gérer tout ça, et en plus avec l'endurance de la durée. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler des tarifs? Alors les tarifs, en fait, les inscriptions ont débuté début septembre. Ils ont débuté en fait à 11 euros. Il y a une distinction entre ceux qui sont licenciés à la FFRS et ceux qui ne le sont pas. Donc il y a un écart de 2 euros pour chaque, et on a mis en place un système de majoration pour encourager les gens à s'inscrire le plus tôt possible, pour pouvoir aussi, pour nous, en tant qu'organisateurs, nous faciliter un peu sur la vision du nombre de participants, pour pouvoir gérer justement les histoires de réservation de bus, gérer aussi les systèmes de ravitaillement qu'on va proposer durant cette randonnée. Ouais, donc en fait, ceux qui se sont inscrits trop tard vont payer 2 euros de plus. Donc par exemple, pour quelqu'un qui devait payer 11 euros, ça va passer à 13 euros, si je ne Alors du coup, m'abuse. c'est 11 euros. En fait, on a décalé à 1 euro supplémentaire depuis le 23 septembre. Ah, d'accord. Et on essaie de voir si on proposera peut-être 2 euros de plus en fait pour une inscription sur place uniquement sur Internet. D'accord. Une randonnée, ça se prépare en combien de temps? Et c'est quoi les étapes importantes quand on veut préparer une randonnée? Je dirais qu'il faut minimum 6 mois, un an à 6 mois pour pouvoir préparer. Il y a une grosse phase en fait de reconnaissance en fonction surtout sur des contraintes de randonnée en fait en route ouverte. La majorité en fait des randos vertes sont sur voie verte. Donc là, on est sur un élément qui est connu, souvent sur des randos vertes, sur des voies vertes lisses. Donc, il n'y a pas trop de travail de reconnaissance à faire. On sait à peu près ce qu'on a à longueur d'année. Là, on part sur de la route ouverte. Donc, les critères pour moi d'acceptance, en fait, un patineur doit pouvoir rouler. En fait, ça doit être agréable. Donc, il y a un gros travail en fait de reconnaissance de route pour savoir lesquelles sont praticables ou pas en roller. Et en fonction de ça, du coup, en fonction de la distance qu'on a choisi de faire, on va essayer de s'adapter pour faire un parcours qui soit intéressant au niveau distance, roulage, mais aussi un intérêt au niveau patrimoine. Le but, c'est aussi de sortir un peu des villes, d'être en milieu rural et de pouvoir mettre en avant notre patrimoine. Donc là, l'idée, c'est de mettre en avant le patrimoine nantais et l'estuaire, en mettant du coup en point de vue le marais d'Audubon, donc le marais de Couëron, qui est un endroit qui est assez fréquenté par les clubs de roller, un rendez-vous assez incontournable en général en fin de saison pour pouvoir rouler en toute sécurité et tranquille de la circulation. Et aussi un autre point qui va être l'estuaire à partir de Cordemais, qui mettra aussi en opposition deux côtés naturel et artificiel, avec notamment vers la centrale de Cordemais et l'estuaire de la Loire, où on fera du coup la pause du pique-nique. D'accord. Donc il y a un gros travail de préparation. Ça se fait tous. Enfin, qui va faire les repérages? Alors en fait, c'est déjà un travail en fait en un temps, déjà d'essayer de voir à peu près la distance, essayer de faire un repérage. Moi, je le fais par Google Street View, ou du coup par Internet, où du coup je regarde un petit peu les routes qui sont faisables, qui sont pas faisables. Et par rapport à ça, du coup, ça va me donner des idées en fait de repérage. Après, je pars souvent en vélo après derrière pour faire un repérage un petit peu, voir déjà voir comment sont les routes en vélo. En général, j'ai un ressenti, je arrive à voir en fait si les routes sont lisses ou pas. Du coup, est-ce que ça va le faire en roller ou pas? Et On travaille, donc après c'est un travail, souvent on fait une route, on voit ce que ça donne. Si c'est raton, bah du coup on essaye de prendre une autre route et puis on essaye de trouver une autre portion qui serait intéressante et ainsi de suite, jusqu'à qu'on arrive à avoir un parcours qui soit à peu près défini. Et puis ensuite on part, souvent en fait on a fait un travail avec notamment avec le club de Couëron qui m'a pas mal aidé et aussi qui connaît le secteur de Couëron. Pour faire des reconnaissances en roller, donc on a fait deux trois repérages en mois de avril-mai, enfin mai plutôt, comme c'était en confinement, pour valider les routes en roller. Et puis en fait, on a fait au mois de juin, mois de juillet, en fait, le parcours en totalité en roller, donc les 65 km, pour vérifier du coup la faisabilité. Et alors, pour les personnes qui ont déjà fait cette rando, mais les années précédentes, c'est pas le parcours, il change à combien de pourcents en fait? En fait, en général, j'aime bien essayer de faire un parcours qui soit différent chaque année. D'accord. Donc, du coup, j'essaye de trouver quelque chose d'un petit peu différent. Après, bon, on va être limité en possibilités. Donc, après, une fois qu'un parcours est un peu figé, qui est intéressant et qui plaît, du coup, on va le garder. Donc, ok, après, une fois qu'on a fait le repérage, c'est quoi les autres étapes pour préparer une randonnée? La phase de communication, donc communiquer en fait sur l'événement pour pouvoir attirer du monde. Donc aujourd'hui, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, notamment Facebook. Et puis après, bah, de relayer en fait cet événement sur d'autres médias, donc Roller en ligne, des choses comme ça, et essayer de trouver des partenaires comme l'INROAD, ou alors des choses comme ça pour pouvoir diffuser en fait l'événement. On a un gros partenaire, nous, le fait d'être sur le circuit national des randos vertes nationales, randos vertes roller de la Fédé. Ça nous permet en fait déjà de communiquer en fait sur un rendez-vous qui est annuel. Et du coup, de pouvoir, en fait, on essaie de l'annoncer en général début février, début mars, pour pouvoir préparer les clubs sur les différents rendez-vous de l'année et de pouvoir qui se préparent en fait à se déplacer en fait à réserver un peu leur week-end là-dessus. Ouais, donc en fait, dès février-mars, vous annoncez les randonnées pour toute Ouais. l'année civile. C'est ça. D'accord. Donc, ok. Donc c'est là où commence la communication, en fait. Peu Voilà. importe que ce soit en avril-mai ou octobre-novembre, en fait, ce sera la communication commence en début d'année civile. Voilà, l'idée, c'est d'être tout le temps un peu moteur en fait toute l'année pour faire connaître et attirer des patineurs en fait à notre manifestation là-dessus. Puis après, tout accélère un petit peu, on va dire le dernier mois. Les deux derniers mois, en fait, on va commencer à faire les inscriptions. Donc, du coup, mettre en place la billetterie, etc. Ça se passe en général assez calme jusqu'à à peu près 2 semaines un peu avant la manifestation. Là, du coup, on commence un petit peu à préparer les ravitaillements, les frais qu'on va avoir. Il y a aussi toute une partie organisation. Une randonnée, en fait, on a besoin à peu près, notamment sur route ouverte, à peu près une quinzaine de staffeurs. Donc, essayer de trouver, on essaye depuis quelques années, notamment en Loire-Atlantique, de travailler avec de l'interclub, donc à essayer de mobiliser, enfin de s'entraider, d'aller chercher en fait des patineurs dans d'autres clubs pour pouvoir aider à faire une manifestation. Aujourd'hui, une manifestation sans l'aide des autres clubs, en fait, je serais incapable de le faire sans cette aide-là. Ok. Donc là, la randonnée, elle est. Donc là, on est mardi, donc la randonnée, elle est dimanche qui arrive. Où est-ce qu'on en est au niveau des inscriptions? Alors aujourd'hui, on est à 43 inscrits. Alors, en général aussi, la dernière semaine est la semaine la plus chargée. En fait, en général, je vais faire 20-25% d'inscription un petit peu avant 2 semaines avant l'événement. Et tout va s'accélérer en général les 2 dernières semaines où les gens, en fait, en fonction de la météo, vont se décider à venir ou pas venir. Et il se trouve qu'en ce moment, on a une météo qui est un petit peu décourageante en fait pour ce week-end-là. C'est un petit peu toute la gestion supplémentaire en fait à gérer. Comme du coup, ben, s'il pleut, on va quand même partir, on va faire cette randonnée. Sauf en cas de conditions météo extrêmes, c'est-à-dire tempête, des alertes météo de vigilance qui pourraient de par force majeure à nous demander en fait d'annuler cette randonnée. Ok. Donc là, le nombre d'inscrits actuellement, c'est satisfaisant pour toi ou c'est ou il y a trop de personnes ou pas assez? Pour une randonnée, en fait, pour la randonnée estuaire, enfin, je serais plutôt sur 100 personnes. C'est l'objectif. Ça nous permet aussi de motiver un peu. Enfin, c'est plus agréable de voir du monde, en fait, sur une randonnée roller. Donc après, il y a un facteur aujourd'hui qui est le facteur météo, qui a un petit peu, qui limite un petit peu les gens. Après, il y a aussi d'autres effets cette année qu'on a pu voir, en fait, sur d'autres randonnées vertes roller. Et du coup, le fait d'avoir eu 1 an et demi un petit peu de pause à cause de cette pandémie, du coup, la randonnée a été relativement affectée par les loisirs qui n'ont pas pu rouler, notamment le soir à cause des couvre-feux, etc. Donc, du coup, il y a une dynamique club aussi qui est un petit peu qui s'affaiblit cette année. On ressent un petit peu à la rentrée. Du coup, ben, il y a un peu moins d'attrait aujourd'hui. Et donc là, c'est aussi un objectif qu'on a au niveau de la Fédé, c'est relancer, notamment dès l'année prochaine, en fait, le rando vert pour qu'on ait un effectif intéressant, pour que du coup les organisateurs aussi puissent trouver leur compte dans un budget d'équilibre de la randonnée. Pour être à l'équilibre, il y a toujours besoin de bénévoles. On va en continuer. On a déjà parlé un petit peu, mais combien il faut de bénévoles? Et puis, ça va être quoi le rôle de chacun des bénévoles? Et puis après, où est-ce que tu les trouves? Donc, pour combien de bénévoles et c'est quoi leur rôle pour commencer? L'idée pour l'instant, c'est un minimum entre 15 et 20 personnes. Ouais. Majoritairement, c'est des staffeurs. L'idée, en fait, on a. Alors. Alors un staffeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va aller au devant du cortège et bloquer les routes? Voilà, c'est la responsabilité de signaler en fait la randonnée et de la mettre en sécurité en mettant en fait une bulle. Mettre le cortège en fait dans une bulle à l'abri de la circulation automobile. Donc en fait, ce qu'on va faire, ce qu'on met en place traditionnellement sur les randonnées roller, c'est un encadrement dynamique, c'est-à-dire que on va avoir des staffeurs devant qui vont bloquer du coup les intersections. Ils vont attendre la fin du véhicule balai qui passe pour repartir et ainsi de suite protéger chaque intersection qu'on peut trouver. Donc ces staffeurs, ils vont être en roller. Alors majoritairement ils sont en roller, mais on peut aussi en trouver en vélo. Alors il y a trois postes un petit peu au niveau des staffs. On a les éclaireurs, donc leur objectif en fait c'est de tout le temps partir devant, de prévenir en fait au cortège en fait des dangers qui peuvent arriver. C'est un peu enfin, le but, c'est qu'ils soient devant pour voir si les interactions, il y a besoin de mettre des staffeurs ou pas, de bloquer, si elle est en sécurité, s'il y a des véhicules qui arrivent devant, de les ralentir. Et l'idée, c'est que quand le cortège arrive, on n'ait pas de surprise. On est dans un environnement qui est un petit peu sécurisé, on sait ce qui nous attend et on sait ce qu'il faut mettre en place si il faut demander un petit peu à mettre davantage de staffeurs sur une situation un peu critique. D'accord. Et après, donc les autres bénévoles, ça va être quoi leur rôle? Alors enfin, on trouve les latéraux. Donc leur objectif, eux, ça va être eux de protéger en fait le cortège, donc en bloquant chaque intersection, faire en sorte que du coup il n'y a pas d'éléments extérieurs en fait à la rando qui puissent s'insérer sur le cortège. Ensuite, on a les tortues. Donc c'est les personnes qu'on trouve en fin de cortège. Leur but, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de personnes en difficulté et aussi de faire respecter en fait l'allure qu'on a décidée à la rando. Et dans ce cas-là, en fait, on va demander aux gens s'ils n'arrivent pas à tenir dans une descente, dans une montée ou sur du plat, en fait, à monter temporairement, en fait, dans le camion pour pouvoir se reposer et repartir un petit peu plus tard. D'accord. Donc il y aura des personnes dans un camion balai. Il y aura encore d'autres rôles? Non, c'est tout. Et puis après, ben, autour de la rando, ben, du coup, on a besoin d'aide en fait pour l'accueil, pour et puis au retour pour proposer en fait un petit peu de bienvenue, un petit peu de départ. Donc, gérer. Est-ce que c'est facile de trouver des bénévoles? C'est compliqué. Enfin, il y a des personnes qui aiment bien se faire ça. Donc, du coup, on a la chance aussi d'être dans un département qui est assez dynamique en niveau roller, avec de nombreux clubs. On a l'habitude de travailler ensemble. Donc, du coup, déjà, on sait qu'on peut se faire, on peut compter sur l'appui des autres clubs. Donc, souvent, c'est grâce à cette communauté qu'on a mis en place en Loire-Atlantique qu'on arrive à trouver en fait des bénévoles à nous aider à mettre tout ça en place. Il y a des personnes qui savent pas faire de roller, qui sont bénévoles, de la famille ou autre. Non, après, ce qui peut arriver, c'est qu'on propose à des gens qui ont l'habitude de faire du vélo, qui sont quand même aussi endurants, comme faire 75 km en vélo. Pas donné à tout le monde, et puis en roller on peut être aussi rapide. Donc, du coup, de mettre c'est une option en fait qu'on propose, c'est de nous aider à statuer en vélo. Ok. On va parler un petit peu matériel maintenant. Qu'est-ce qu'il faut comme matériel et d'où est-ce qu'il vient ce matériel? Le matériel, ça va être l'équipement logistique pour la randonnée. Ouais, c'est-à-dire. Donc on a un appui logistique en fait de la Fédération française de roller et skateboard. Du coup on a des toki qui nous sont mis à disposition pour aider à la sécurité de la randonnée. Et après on a aussi la Ligue des Pays de Loire de roller et skateboard en fait qui nous met à disposition en fait des sasuples, des gilets jaunes. Et voilà, donc c'est à peu près les appuis extérieurs qu'on peut avoir. Et la voiture balai, elle sera fournie par qui, par exemple? Alors la voiture balai, en fait, c'est un partenariat avec Nantrolleur qui nous prête en fait le minibus qui leur sert pour la randonnée hebdomadaire du jeudi soir à août. D'accord. Donc, alors pour ceux qui ne connaissent pas Nantrolleur, je les ai interviewés lors d'un précédent épisode. N'hésitez pas à aller l'écouter. Tu as parlé de partenariat. Est-ce qu'il y a des sponsors ou juste du partenariat? On a des sponsors. On a notamment aujourd'hui la ferme de la Chasse-Loire, donc une ferme à Saint-Arblain qui va nous faire un don en fait de jus de pomme, de pommes en fait pour notamment pour le ravitaillement de la rando. D'accord. Est-ce qu'il faut un arrêté préfectoral ou communal et comment ça s'obtient? Alors aujourd'hui, en fait, tout événement sportif en fait est soumis au code du sport. En fait, aujourd'hui, la réglementation nous impose en fait en dessous de 100 personnes, au-dessus de 100 personnes, à déclarer en fait une manifestation sportive auprès des autorités. Si on est sur une seule commune, ça va être juste à faire la demande auprès de la ville. Si on est sur plusieurs communes, il faut qu'on demande l'autorisation en fait à chaque ville et à la préfecture qui coordonne du coup la déclaration. Donc il y a un travail aussi en amont du coup à déclarer en fait cette manifestation auprès des autorités pour pouvoir faire cette randonnée. À travers cette déclaration, ça nous permet aussi d'avoir un statut de protection au niveau de la randonnée. On va en fait demander à avoir un régime de circulation particulier, notamment un usage exclusif temporaire de la chaussée, qui va nous permettre en fait de pouvoir, au moment du passage du cortège, de déroger au code de la route et d'avoir un statut un petit peu prioritaire, de pouvoir bloquer en fait les intersections, etc. Et ces autorisations, elles sont faciles à avoir ou c'est la galère? C'est un travail qui demande un peu de patience. Il faut contacter chaque mille. Il leur a expliqué ce que c'est qu'une randonnée roller. Oui, parce que ça doit pas être courant pour, enfin, un maire doit Voilà, pas et savoir. s'adapter aux contraintes. Alors après, en Loire-Atlantique, ils sont habitués à avoir. En général, ils sont assez souples. C'est pas trop gênant, mais je sais que dans d'autres préfectures, ça peut être compliqué, notamment sur des routes rurales un peu passantes, où du coup, ils vont nous demander des contraintes particulières, de devoir éviter une route particulière, éviter de passer en groupe. Donc du coup, c'est aussi des échanges à faire avec eux pour leur expliquer que sait faire des randonnées roller, on sait les faire en sécurité. Et qui peuvent nous faire confiance. D'accord. On va arriver sur la fin. Qu'est-ce que tu redoutes le plus? Que je redoute le plus, c'est la pluie. C'est vraiment, en fait, c'est le facteur météo qui est vraiment important. Donc, une belle randonnée roller sous un beau soleil, c'est quand même beaucoup plus agréable que sous la pluie. Sachant qu'en roller, en fait, on est un peu plus soumis aux contraintes de la pluie qui, on a tendance à beaucoup plus glisser, à fatiguer davantage, à pousser beaucoup moins que sur un temps sec. Et du coup, bah, c'est pas des moments agréables. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'il y a du secourisme? Alors, en dessous de 250 personnes, à peu près, en fait, on n'a pas besoin d'avoir vraiment de secouristes attitrés. Ce qu'on essaye de mettre en place, en fait, c'est des personnes qui ont des formations de premier secours ou SST, à répondre en priorité, en fait, à s'il y a un accident, s'il y a un bobo durant la randonnée. L'idée, c'est de mettre en relation avec les secours, les pompiers, dès qu'il y a un accident, qui demande un petit peu une prise en charge et sérieux. Eh ben très bien, ben donc c'est la fin de la première partie et je vais pouvoir aller enregistrer la deuxième en fin de semaine, moi. Alors nous voici dans la deuxième partie de l'émission. J'ai donc fait des captations pendant la randonnée. Malheureusement, il fallait s'en douter, le son est très très mauvais, puisque je n'ai pas les micros adaptés pour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer quelques extraits. Donc je m'excuse hein, pour la qualité du son. Et puis ensuite, je vais passer à la troisième partie. Et après en fin d'émission, je vous mettrai tous les rushs. Voilà, pour ceux qui auront le courage d'écouter jusqu'à la fin, vous pourrez avoir tous les rushs de ce qui s'est passé pendant la randonnée. Donc je vous laisse avec la première interview. On est en début de la rando, on a fait à peu près 9 km et tu t'appelles comment? Je m'appelle Laurence, c'est ma première rando, alors je suis très très très heureuse de participer. Ouais. Voilà, mais par contre comme si j'ai appris il y a 5 mois de ça. Donc Laurence, ça fait 5 mois que tu as commencé le roller. Oui. Et tes sensations au bout de 10 km? Les sensations, c'est très difficile parce que le sol est mouillé. Ouais, je que confirme. J'ai pas beaucoup d'expérience, c'est ma première rando. Et heureusement qu'on est très bien encadré et qu'on peut se faire pousser par un peu. Là, on est dans une petite montée, il y a justement une petite montée. Oui, voilà. Ouais. Et que quelques personnes aussi arrivent à me ralentir parce que je ne sais pas non plus freiner. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de tes rollers? Oui, alors ce sont des rollers Fisher-Price. Non, je rigole. C'est des rollers que j'ai acheté 20 euros d'occasion. Ouais, ben c'est. Avec ouais. Des toutes petites roulettes. Oui. Comme ça me freine. Tu dois être en 76 à mon avis. Oui, voilà. Donc je suis un peu décalée par rapport au reste des participants qui ont des énormes roues. Donc je crois que j'ai tout bon, quoi. Donc ça vous a donné à peu près l'ambiance qui régnait dans la randonnée. Donc une ambiance très bon enfant où les personnes qui étaient les plus à l'aise. Aider les personnes qui étaient les moins à l'aise dans les côtes. Et donc on enchaîne tout de suite avec la deuxième interview que j'ai réalisée. Dis-moi comment tu t'appelles? Patrick. Patrick, je vois que tu as des rollers de hockey. Je crois que tu es le seul à avoir des rollers de hockey. Comment ça se fait? Tu fais du hockey? Je fais pas de hockey, c'est... Alors c'est une vieille histoire. J'ai commencé à les rollers il y a très longtemps. Ouais. Ça doit être 96-97. D'accord, en plein boom du roller. J'étais aux États-Unis, chercher une paire, j'ai dit tiens, celle-là me va bien. Ouais. Je suis parti avec. Ouais. Puis bon bah, je débutais donc j'ai eu des accidents, donc j'ai la platine que j'ai éclatée. Je l'ai changé de platine et ouais. Depuis c'est les mêmes. D'accord, et donc depuis 98 tu dis? Voilà. Donc le chausson est le même? Le chausson est le même. Est-ce qu'il est toujours agréable ou la mousse est complètement... Ah mais c'est des véritables chaussons. C'est... Je me sens bien, j'ai pas le mal aux pieds, pas le mal aux chevilles. Ouais. J'ai un vrai confort. D'accord. Et donc tu fais souvent des randonnées? Alors j'ai eu une période à peu près 12-15 ans où j'ai arrêté. Ouais. Puis là ça fait 2-3 ans que je me suis relancé sur le roller. Et bah, c'est la première randonnée que je fais depuis 2-3 ans. Alors quand tu dis relancer sur le roller, c'est-à-dire tu fais quoi comme type de roller? Plutôt de la balade. Ouais. C'est-à-dire que le midi, je prends la pause déj, s'il fait beau, je prends mes rollers et je fais un petit tour au côté du boulot. Ouais. Si le week-end pareil, mais je cherche rien d'exotique en quelque sorte, c'est vraiment la sensation de se laisser aller quoi. Tu pratiques avec qui? Seul? Je suis tout seul. Ouais. J'ai pas réussi à motiver des collègues ou des amis à venir me joindre. Et alors donc tu habites où? Moi j'habite Cordemais. Et la balade va de Nantes à Cordemais. Donc toi tu vas t'arrêter à Cordemais si j'ai bien compris. C'est ça. Moi je fais que l'aller et je cherche pas à faire le retour. Et c'est combien ta distance maximum en roller d'affilée? Pour la pause déjeuner, je fais à peu près une heure et demie de roller. Ça doit faire à peu près du 15 km. Oui, c'est ça, donc tu fais du 10 km et 10 km, ouais, ça fait du 15 km. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et là, ça va être la plus longue distance jamais réalisée, environ 30 km. Après, si on remonte à ma jeunesse, je faisais pas mal de balades sur Paris. Oui. Donc je partais des après-midi, donc je faisais 3-4 heures d'affilée. Quoi. Ouais. Mais effectivement, depuis que je suis repris, c'est ma plus grande balade. D'accord. Et t'as pas envie de changer de roller avec des roues plus grandes? Bon, j'essaye. Après, ce que j'ai dit, c'est que comme j'ai la chaussure qui est tellement confortable, ouais. J'hésite encore. Mais bon, elles sont en train de mourir un petit peu, donc je sais qu'à un moment ça va venir. Enfin, je vous dis adieu. D'accord. Et ben merci. De rien. Après l'interview de Patrick, voici l'interview de Ellie qui faisait voiture balai ce jour-là. Donc c'est toi qui conduis le camion balai, c'est ça? Oui, c'est ça. Et... Prêté par mon scolaire. Ouais. Et c'est toi qui voulais le conduire ou tu aurais préféré rouler? Non, je voulais le conduire. Et donc t'as eu du monde dans ton camion aujourd'hui? Pas beaucoup, non. T'es déçu. Juste deux personnes dans la descente dangereuse de la première partie. Ouais. Et puis là, une personne parce que ça s'est tiré un petit peu et je pense qu'il était fatigué. Mais non, ouais. Pas beaucoup. Ok, d'accord. Ah ouais, le niveau des participants est plutôt bon, donc c'est cool. Ouais, est-ce que tu t'ennuies alors si t'as personne dans le camion? Pas du tout. Qu'est-ce que tu fais? J'écoute de la musique. T'écoutes quoi comme musique? J'écoute les CD qu'on a à disposition dans le camion, là, qui ont été créés pour les week-ends d'entre l'heure. Oui. Et puis bah, sinon, il y a aussi pas mal de boulot. Faut répondre au toki, faut prévenir s'il y a des voitures derrière, que la tête de cortège puisse s'organiser pour les laisser passer, tout ça. Donc ça va, je m'ennuie pas. Alors pour l'enregistrement suivant, il faut que je vous explique un petit peu la météo que nous avons eue. Toute la nuit, il a plu. Quand on a commencé la randonnée, il n'y avait plus de pluie du tout, mais le sol était bien humide et ça glissait. Ensuite, on a mangé et l'après-midi, le sol était plutôt sec. Donc là, l'interview que je fais a lieu l'après-midi. Alors, comment tu t'appelles? Patrice. Patrice, je crois voir que tu as des roues de pluie. Oui. Tu as donc, tu es en 3 x 110 125. 3 x 125 en roue de pluie depuis le début. Oui. Et là, on est l'après-midi, moi j'ai l'impression que c'est sec. Pourquoi est-ce que tu les as gardées? Parce que j'ai oublié de mettre les autres qui sont restés dans le coffre de la voiture. D'accord. Est-ce que tu regrettes de les avoir? Non, ça va, ça roule bien. Oui, ça me rend. Bon, et bah très bien. Tu vas faire combien de kilomètres? Ah bah 65. 65, ouais. Ok. Eh bah très bien, merci. L'interview suivante a eu lieu après la rando et donc j'ai interviewé quelqu'un de la FFRS qui nous a accompagnés en voiture ce jour-là. Donc vous êtes de la fédération. C'est ça. La section, quelle section? La commission randonnée. Commission randonnée. Et donc vous êtes dans une. Vous avez fait quoi aujourd'hui? Je confirme. En fait, la fédération accompagne. Pardon, je suis désolée, mais je vois rien. C'est pas grave. En fait, la commission randonnée accompagne tous les organisateurs de grandes randonnées. Et ouais. Là, la randonnée Nord-Estuaire s'inscrit dans le calendrier national des randos vertes. Elle est labellisée rando verte. Alors, c'est quoi une rando verte? Une rando verte, c'est une rando qui rayonne, on va dire, au niveau national. Tout le monde peut venir. Les gens viennent parfois de très très loin. C'est une rando qui, en fait, fait. Non, mais c'est cool. Comment dire ça? On roule, en fait, principalement sur des voies vertes et on découvre à la fois des paysages et un patrimoine. D'accord. Ok. Et donc votre rôle d'accompagner, c'est quoi en fait? Dans la voiture. En fait, dans la voiture. Ouais. ou après, enfin, ou avant, j'en sais rien. En fait, notre rôle, c'est effectivement un accompagnement en suivi administratif, logistique. On peut aussi apporter du matériel. On aide à la constitution des dossiers. Là, bonjour Alain, il gère. En plus, il est avec nous, la fédération, la commission randonnée. Mais en général, on apporte effectivement une aide à tout ce qui est constitution de dossiers, formation des staffeurs. La fédération forme les staffeurs. Oui. Par exemple, là, vous avez formé des staffeurs sur cette randonnée? Alors, pas hier ou avant-hier, mais je crois qu'ils sont quasiment tous passés par les formations staff. Et se font où ces formations? En fait, on les organise dans les départements, sur les territoires. D'accord. Ce sont soit les clubs, soit les comités départementaux ou les ligues qui nous sollicitent. Mm-hmm. Et qui sortent, non, organisent même, là, en fait, et qui rassemblent les participants, et nous, on propose des formations. Ok, donc les formateurs, ce sont... Ce sont des éducateurs spécialisés, mandatés, ouais, par la fédération, et c'est une formation, pareil, labellisée fédérale. Ok, d'accord. Alors c'est quoi la prochaine rando? La prochaine rando, c'est dimanche prochain à 3. D'accord. C'est la rando des lacs. Ouais. Donc c'est sur un parcours quasiment fermé, c'est sur une piste cyclable en fait. C'est pas comme celle-là où là les gens roulaient en cortège encadré. Là c'est plutôt les staffeurs vont sécuriser tout un parcours. Et en fait les gens peuvent rouler entre 10 et 90 km au choix. Okay. Ils sont en liberté, en autonomie, mais avec des ravitaillements, des staffeurs. C'est pas le même. C'est il y a pareil que là. Voilà. Là, c'est un cortège encadré. Tout le monde est au même rythme. C'est ça. La semaine prochaine, ce sera la pas. La semaine prochaine, c'est plus en autonomie, mais les gens se font plaisir. Eh bah, ok. Et donc, cette rando, est-ce qu'elle s'est bien passée? Ah, oui, je crois qu'elle s'est très très bien passée. Les gens ont l'air contents. C'était pas super nombreux, mais franchement, c'était un bon groupe, ça a bien roulé. Ouais. Et puis la météo était magnifique. Voilà, bah, il a plu de toute façon toute la nuit, donc il pouvait plus pleuvoir aujourd'hui. Hein. Donc, donc voilà. Merci la Fédé, bravo, à l'année prochaine. Le bac de poiron. Et maintenant, voici les réactions d'un staffeur sur l'organisation de la randonnée. Comment est-ce que tu t'appelles? Yann. Yann, je t'ai vu sur cette rando, tu étais staffeur. Tout à fait. Et je t'ai vu sur la rando Loire-Vignoble, donc c'était comment? Rando Loire-Vigne. Loire-Vigne, donc c'était, oui, il y a 2-3 semaines. 2 semaines, ouais, tout à fait. Il y a 2 semaines, et c'était quoi ton rôle sur cette randonnée? Organisateur. Ah ouais. Ou alors là, que peux-tu me dire sur l'organisateur de cette rando? Laquelle? Celle-là. Bah c'est Jean-Alain. Est-ce qu'il a bien fait son boulot? Il a bien fait son boulot et il nous avait donné un coup de main aussi. Donc voilà, c'est vrai qu'on, ouais, tourne pas mal dans les randos de la région. Donc voilà, on se retrouve, on se donne des conseils. Et en plus, c'est vrai que j'avais eu pas mal de conseils aussi de Jean-Alain pour la première édition il y a un an. Quand ils montent des nouvelles randos, on répond présent. Est-ce que tu peux me dire les différences qu'il y avait entre les deux randonnées? Alors il y avait les mêmes pommes, ça c'est pas une différence. Non, plus long, bah, c'est cet échelonnement en fait avec un quart. Nous on n'a pas osé encore proposer justement de s'engager sur un quart pour ramener les gens à différents kilométrages. On avait prévu une petite boucle en plus. Pour ceux qui voulaient aller, donc on avait 42 et 54 cette année. Là c'est vrai que c'est plus régulier, 30, 50, 65. On désespère pas de trouver des possibilités de faire ça. Sinon quelle différence? Peut-être un peu plus vallonné dans le vignoble. Hein, les vignes, oui, aiment bien avoir des coteaux, donc c'est vrai que la fin de notre partie était vraiment plus vallonnée. Là, c'était globalement plus plat, je pense, en termes de dénivellation. Ouais. Mais sinon, c'est toujours le même plaisir. Effectivement. Et qu'est-ce que tu penses des participants à la randonnée aujourd'hui? Est-ce qu'ils étaient bien ou pas? Ah oui, ils étaient bien, il y avait un bon rythme, discipliné, ouais. Voilà, connaissant leurs limites, n'hésitant pas à monter voilà, sur un petit tronçon dans le camion pour récupérer et pouvoir repartir après. Donc non, très bien, super, super patineur. Eh bah super, merci bien. De rien. Et donc maintenant, on va écouter Denis de Nantes Roller. Denis, je l'avais déjà interviewé dans l'épisode 7 de Balade au Roller. Je vous propose donc d'écouter ses petites péripéties. Donc Denis, tu as été staffeur aujourd'hui. Oui. Est-ce que ça s'est bien passé ou est-ce que tu as eu des ennuis? Non, ça s'est bien passé, à part les problèmes mécaniques. Ah, les problèmes mécaniques, justement. Voilà. Parle-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai juste deux roulements qui ont cassé. Est-ce que tu peux les faire écouter, s'il te plaît, les roulements? Le bruit du roulement cassé. Ouais. Oui. Ah, voilà. Ça, c'est le bruit du roulement cassé. Ah bah super. Et sinon, donc, t'as pu quand même patiner, t'as pu finir? Oui, bah à la fin, ça a été difficile, mais on a roulé, quoi. Eh bah c'est très bien. Merci. Rien. Alors voilà pour les interviews. Maintenant, on va pouvoir passer à la troisième partie. Donc dans cette troisième partie, finalement, je vais vous parler de mon ressenti sur cette randonnée. Donc comment ça s'est passé pour moi, toute cette randonnée. Donc on va commencer déjà par parler un petit peu météo. Comme je vous l'ai déjà dit, on a eu un record de pluie en 24 heures à Nantes. En 1977, nous avions eu 96,9 mm de pluie en 24 heures. Et là, on a eu un petit peu plus. On est passé à 99 mm de pluie en 24 heures. Donc, c'est le record sur les 40 dernières, pardon, sur les 50 dernières années. C'est un record de pluie que nous avons eu la veille de l'événement. Donc, voyant ça, moi, la veille, comment je me suis préparé à la randonnée? Et eh ben, sachant que la route allait être mouillée, alors la météo annonçait très peu de pluie pour la journée, voire pas du tout. Donc on savait qu'on allait quand même rouler sur un sol humide au moins au début. Ce qui veut dire que moi, ayant des trous d'aération sur mes rollers, j'ai enveloppé mes rollers. Alors mes trous d'aération sont en dessous, donc j'ai déchiré un sac plastique. J'ai mis le sac plastique, je l'ai enroulé en passant sous mes rollers, puis par-dessus. Et j'ai eu la chance, ma copine m'a prêté des cache-patins. Donc, cache-patins, c'est ce qui m'a permis de recouvrir tous mes patins, et notamment le sac plastique que j'avais mis en dessous. Ce qui fait que mes patins étaient étanches à l'eau, au moins au niveau du chausson. J'ai vu d'autres personnes sur la randonnée qui ont tout simplement mis du scotch pour boucher leurs ouvertures. Ce qui permet donc, ce qui nous a bien permis de rouler le pied sec, et il n'y a pas d'eau extérieure autre que notre transpiration qui est rentrée dans notre chausson. Donc ça, c'est un petit conseil technique que je peux vous donner. Fermez les aérations, même si vous ne pourrez pas, vous transpirez peut-être un peu plus, mais au moins vous ne serez pas trempé dans votre patin. Ensuite, j'avais prévu pas mal d'eau. Alors l'eau, c'est toujours compliqué à prévoir. En plus, il fallait prévoir donc pour toute la journée, notamment le pique-nique, et puis pour les. Moi, je comptais faire 50 km. Alors, je sais plus combien j'ai pris d'eau. À chaque fois, je me pose la question. Il faudrait que je me fasse un truc du genre pour 10 km, c'est 1 demi-litre d'eau. Enfin, je sais pas. Il faudrait que je me fasse un truc comme ça. J'avais aussi prévu du rechange au cas où je me mouillerais. Heureusement, je ne m'en suis pas servi. Mais à chaque fois, je prends une paire de chaussettes de rechange et je pensais les changer au moment de la pause. Et finalement, je ne me sers jamais de ma paire de chaussettes de rechange. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la journée. Comment ça s'est déroulé? Donc, on se réveille le matin. On voit que c'est bien trempé, le sol est bien trempé. Et moi, ma copine étant qui aidait un petit peu à organiser, parce qu'elle fait partie du club, on devait être là plus tôt que prévu. Enfin, plutôt que l'heure prévue, qui était 9h, je crois, le rendez-vous. Et dans tous les cas, à 6h07, il y a eu un SMS sur le groupe WhatsApp qui avait été formé la veille pour nous tenir informés des derniers événements. Et donc à 6h07 du matin, on reçoit un SMS nous disant nous disant de la part de JIA qu'il y aurait un petit peu de retard, une demi-heure de retard, mais que c'était quand même maintenu. Donc la demi-heure de retard, c'était fait pour éviter les dernières pluies du matin et pouvoir rouler sereinement. Donc, nous, pas de problème. Ma femme fait son chocolat chaud. Donc, vous allez voir l'histoire du chocolat chaud un petit peu après dans les bonus. Et puis, on décide de partir. Et là, je me rends compte que le sous-sol où était ma voiture, le parking de mon appartement, il est inondé. Il y a, inondé, il y avait 5 cm d'eau. Donc je dis à ma femme, je vais descendre, je vais sortir la voiture et tu me rejoins dehors. Au moins, il n'y a que moi qui aurai les pieds mouillés et pas toi. Donc voilà, on a perdu un petit peu de temps à faire ça. Puis moi, j'ai rechangé mes chaussettes une fois que j'avais bien mouillé mes pieds pour justement garder, avoir des chaussettes sèches pour au moins commencer la randonnée. Enfin bref, on arrive tout de même largement à temps pour la randonnée. On fait les préparatifs, on nous demande notre passe sanitaire et tout ça, et la randonnée peut enfin commencer. Alors on se rend compte qu'on n'est pas très nombreux sur cette randonnée. On a dû être en gros 40 personnes, si je dis pas de bêtises, j'ai pas pu bien compter. Et donc on commence à rouler tranquillement. Il y avait un vélo qu'on n'avait pas le droit de dépasser en tête de cortège. Et devant ce vélo, donc il y avait les staffeurs qui bloquaient les routes pour qu'on puisse passer tranquillement. Alors au début, moi j'étais juste derrière ce vélo. Je me suis rendu compte que pour faire des interviews, si je voulais rester devant, c'était pas une bonne idée. En plus, le vélo n'allait pas assez vite pour moi, donc régulièrement je devais freiner, ce qui est très énervant en roller de freiner. Parce qu'en fait on fait l'élastique, des fois il va un petit peu trop, il accélère un petit peu, donc nous aussi, et puis tout d'un coup il ralentit, donc et nous on a encore de la vitesse, donc c'est pas une bonne passe. Moi je vous recommande pas d'être juste au tout début d'une randonnée, parce que vous faites que d'accélérer et freiner, c'est pas du tout agréable comme rythme. Donc je suis allé en plus bas dans le cortège, j'ai fait quelques interviews. Le sol était humide. Alors moi, j'avais la chance d'avoir sur chacun de mes patins deux roues de pluie et deux roues normales. Donc j'accrochais à peu près bien au sol. Comparé aux autres personnes, une fois qu'ils galéraient bien à accrocher. Alors la chose qui m'a énervé, c'est que à chaque fois qu'il y avait une plaque d'égout sur la chaussée, elle était annoncée. Et tout le monde répétait plaque d'égout, attention, ça glisse. Donc moi, je ne voyais pas de gros danger à annoncer une plaque d'égout, et pour moi c'était contre-productif. Mais puisque après, si on annonce des petits dangers, on prend plus attention aux petits dangers, et on ne prend plus attention à ce qui est annoncé. Et le jour où il y a un gros danger, on se dit c'est comme les autres, ça sert à rien de se méfier. Et en fait, c'est là où il aurait fallu se méfier. Bon, bref, ce sont des petits détails. Donc finalement, la matinée se poursuit très bien. On a de plus en plus de soleil. La route sèche de plus en plus, même si on a passé une portion humide où il y avait une portion inondée, on va dire sur 10 mètres, il y avait une énorme flaque d'eau de 3 cm ou 3 à 5 cm d'eau. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était bien en train de sécher. Donc on arrive au bout de 30 km à la pause déjeuner, près de la centrale de Cordemais. On a une belle vue sur l'estuaire, on prend tous une photo, et puis c'est là où vont partir une personne que j'ai interviewée. Même les personnes que j'ai interviewées, en fait, une qui est partie qui est rentrée chez elle, et l'autre, Laurence, qui a arrêté là parce que c'était une de ses premières randonnées. Donc ensuite on repart tous, donc on mange bien tranquillement, et puis on repart tous pour les 50 km. Donc tout le monde suit le rythme, aucun problème. Je refais quelques interviews, il y a des lâchers, où il y a vraiment des portions où on est plusieurs kilomètres à pouvoir rouler aussi vite qu'on veut. Donc c'est vraiment, vraiment très sympa. La route est sécurisée de tous les côtés, c'est vraiment, vraiment très bien. Et donc on arrive à ces fameux 50 km et là on voit qu'il y a déjà des personnes qui sont un petit peu plus fatiguées. Et c'est 13 personnes cette fois-ci qui vont monter dans le bus et qui ne vont pas faire les 15 derniers kilomètres. Ce que j'avais à dire jusque là, moi, c'est que j'étais étonné que les routes soient aussi agréables à rouler que ça. Je m'attendais franchement pas, vu qu'on roulait sur de la départementale, donc des routes fréquentées par les voitures, et elles étaient, bien sûr il y a eu du graton, mais pour la plupart des passages qu'on a eu, c'était en très très bon état et bien lisse, et un très bon revêtement pour rouler. Donc après il nous reste les 15 derniers kilomètres à faire. Alors vraiment un très beau temps, un très beau soleil, pas trop chaud non plus, donc des conditions idéales. Et c'est là où on se rend compte que bah, les 13 personnes en plus dans le bus, au résultat on est plus très nombreux en tant que rouleurs, et il y a plus de staffeurs que de rouleurs. Donc on se sentait un petit peu VIP quoi, c'était marrant. Et alors donc la randonnée se continue, et effectivement il y a une personne qui, avec la fatigue, a fait une chute. Il y a un moment où on voyait pas trop qu'il fallait tourner, et donc il a vu ça au dernier moment. On a été plusieurs à être étonnés de voir qu'il fallait tourner là. Pourtant les staffeurs avaient fait leur boulot, hein. Ils nous disaient bien ralentissez, on va tourner. Mais bon, avec la fatigue, on les écoute plus trop. Et donc il a fait une chute. Il relate ça, mais la qualité est très très mauvaise. Donc je vous l'ai mis en bonus. Ça. Enfin, le problème, c'est que la qualité est très très mauvaise, donc vous verrez si vous écouterez jusqu'à la fin ou pas. Et puis donc finalement, on finit les 15 km. Alors moi, je pensais faire que 50, mais j'étais à l'aise au 50, donc je me suis dit, je continue. Et puis même à la fin des 65 km, j'étais encore à l'aise, prêt pour en faire 60 de plus. Donc une très bonne après-midi, une très bonne journée pour ma part. Alors on arrive finalement à notre point d'arrivée qui est aussi le point de départ, et là on a donc le débrief de JA, et puis on a les autres personnes qui ont expliqué que pendant toute la semaine ils avaient essayé de le raisonner parce que la météo indiquait de la pluie tout le temps, et lui fait non, on maintient sauf cas de tempête. D'ailleurs on est sorti de vigilance orange le matin même, la nuit on était en vigilance orange, et donc ouais, les personnes qui étaient dans son entourage pour organiser expliquaient qu'à tour de rôle ils essayaient de l'appeler et de le raisonner quoi, dire non c'est pas sérieux d'organiser une randonnée roller avec autant de pluie, non faut vraiment que t'annules, et lui il a tenu bon et il a eu raison, puisque comme je disais au final on a eu une très très bonne journée pour rouler. Donc merci JA d'avoir tenu de tête à tous ces détracteurs. Et c'est maintenant la fin de cette partie, et je vous laisse donc avec les bonus. Donc avec ce patineur, on échange pendant une minute sur les moyens de prévention pour annoncer les risques. Tu peux me parler de ce que tu as dans ta main gauche? Ah, ma main gauche, c'est mon fidèle compagnon, oui. Randonneur, ça. C'est un petit canard du Périgord. Ah d'accord, et je vois que tu t'en... Alors il se trouve que sur la boîte verte de Périgueux, oui. On croise beaucoup de promeneurs, de vélos, d'enfants. C'est pour prévenir un petit peu des inhabitudes que j'ai prises en rando, de prévenir, c'est moins agressif que le klaxon, quoi. Ouais. C'est toujours pour prévenir des éventuels dangers sur la route. D'accord, et je trouve que c'est pas mal. Moi j'ai une sonnette de vélo en fait. Ouais, je sais, ouais. Comme ça. Et Alors c'est vrai que la sonnette de vélo, ça, c'est pas mal, mais ça induit peut-être envoyer un vélo et des fois une surprise. Ouais. Que nous en roller, on a quand même une sonnette. Des fois, face à certains obstacles sur la route, sur le parcours, ouais. On peut pas toujours aussi bien freiner qu'un vélo, quoi. C'est ça aussi. Carrément. Donc, il faut anticiper. Ouais. Voilà. Ok, et merci. Allez, bonne route. voici maintenant l'accident, enfin de la chute sans gravité, donc relatée par la personne qui a justement fait cette chute. Ça dure 10 secondes à peu près. Il y a une grosse descente, hein. Je pars comme ça là. En fait, la sortie de descente, il y a un mec qui était tourné à gauche. J'arrivais plein de balles. Vous l'avez pas vu. Du coup, je suis allé tout droit. J'ai essayé de m'arrêter, mais j'étais claqué. Donc, je suis tombé en face. C'est plus ça parce qu'elle était concentrée sur le. Ouais, j'étais claqué. J'étais là. T'as plus de douleur que de plaisir. Ouais, bah voilà. Ça sert à rien, il faut pas être masochiste. Alors, pour comprendre l'extrait suivant, il y a trois protagonistes. Il y a moi, il y a Laurence qui est en train de complimenter ma femme pour son chocolat chaud qu'elle a fait le matin. Et il y a ma femme qui était tranquillement assise par terre en train de changer ses roues de pluie pour mettre des roues de temps sec. Et donc voilà les trois principaux protagonistes. Donc on était en train d'attendre que les staffeurs fassent leur boulot pour bloquer les routes. Et tout d'un coup, on voit Jia qui arrive et qui se demande qui est par terre et qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas repartir. Lui, en fait, il attendait que tout le monde soit debout pour qu'on puisse relancer la randonnée. Mais ma chérie était en train de changer ses roues et elle pensait que si ça repartait, elle pourrait monter dans le camion balai. Mais il n'était pas. Enfin, tout le monde n'avait pas compris ça. Je vous laisse donc écouter l'extrait. Avoir sauvé ma journée. Parce que ce chocolat, pour moi, c'était très symbolique. J'ai reconnu qu'il y avait des paquets de chocolat dans du lait. Et ça, c'était un bonheur. Parce que sur la nuit, je lui ai fait les restes de chocolat chaud. Au petit déj, il n'a pas apprécié. Et Philippe, il est chanceux. Eh bien, justement, moi, je préfère le banania. Et chocolat noir. J'aime pas le chocolat noir. Et ça. Oh, le mythe est tombé, là. Honte sur toi, vraiment. Et tout le monde ne pas dans les thermos. Je sais aussi. Chacun ses goûts, quoi. Moi, c'est badminton dans le genre, tu vois. Jay, il est en train de te tuer du regard. Tu bousilles son horaire, son planning, là. Moi, je monte dans le camion si vous démarrez. Puis là, j'ai fini. Non, en fait, elle n'était pas sûre, elle va les re-rechanger. Ouais. Parce que quelqu'un lui a dit qu'on arrivait dans le marais et que ça allait être humide. Il allait y avoir plein de vidéos sur l'humide. Ouais. Bonne soirée dernière. Je passe discrètement. Oui, c'est très discret. Comme le dirait machin, je passe en crabe. Elle arrive. Eh oui, la randonnée, c'est une histoire de nourriture. J'ai le couteau. Je suis contente que d'autres personnes que toi apprécient mon chocolat chaud. Mais je suis content aussi. Elle s'appelle Laurence. En fait, il m'attendait, c'est ça? Oui. Allez là, au milieu. Oh là là, toutes les bières. Là, j'interviewe les randonneurs de Caen et de Périgueux et vous allez voir qu'en fait, c'est un groupe d'amis qui se fait un week-end sous prétexte de faire du roller, mais ils vont juste se faire un week-end où ils vont bien s'amuser entre amis et donc c'est aussi ça, le roller. Alors, l'interview dure 10 minutes. Fin de l'interview au timecode 1h08 et 7 secondes. Alors, vous venez d'où, vous, donc Périgueux. On est une équipe internationale. Ah ouais. On a de toutes les origines. Ouais. Périgord, c'est multiracial. Il y a qui? Alors, vous avez quoi comme origine au Périgord? Un Sarladé. Un quoi? Un Sarladé. Le Sarlat. Ah oui, Sarlat, la canadienne. La Canéda, pardon. La plus jolie ville de Dordogne. Ok. Une Marseillaise, une Ukrainienne, une très jolie une Irlandais, ouais. Et un Périgordais. À Sarlat, il y a une très jolie voie verte le long de la Dordogne. À Périgueux, il y a gros réseau de voies vertes le long de l'île, qui est la rivière qui traverse Périgueux. Ouais, exactement. On roule régulièrement ensemble. C'est cool. Tu connais pas du tout le coin? Non, mais moi en plus. Tu connais les quatre rivières de Dordogne? Ouais. J'ai fait une année à Brive, mais je faisais plus de roller à cette époque-là. La Dordogne. Ouais. L'île. Et l'eau Vézère. Et la Vézère. Et si tu viens dans le coin, sur Facebook, tu tapes Périgueux Roller, tu vas nous trouver. D'accord. Et vous avez des randonnées vous aussi à Périgueux? On va organiser des balades, entre nous. Aujourd'hui, on n'est pas un club, on est un groupe d'amis qui se retrouvent de façon informelle. On fait des randonnées pour boire un coup après. Ah, d'accord. C'est notre philosophie. Après, l'idée, c'est plutôt de se rencarder avec des gens qu'on rencontre et d'organiser des randos avec des gens de club ou autre. Comme là, on a les gens de Pessac à côté de Bordeaux qui vont venir. On envisage d'aller chez les gens de Royan qu'on a croisé à Arcachon. Voilà. Là, quand ils sont prêts de nous accueillir cet hiver, on va regarder ça. C'est cool. On a sympathisé avec Comment, de Nantes, comment vous avez connu la randonnée là, Loire Estuaire? Sur internet. C'est pas toi au départ qui nous en avait parlé? Il partage les informations sur internet. Il y avait les vignobles nantais. Bon, on regarde quand même le site de la Fédé. On voulait faire celle des vignobles au départ, à l'origine, mais je travaillais, je pouvais pas être dispo et on a vu qu'il y avait celle de l'Estuaire. Et on a fait celle de l'Estuaire. Il y a quelques années, c'est Olena qui était déjà dans le réseau, qui avait déjà fait des randos nature. A parlé du fait que ça existait à l'échelle nationale. On avait fait quelques années à Arcachon, qu'on est quelques-uns, on va refaire cette année. Il y a quelques années, on a participé à la Grolle, et là, plus tu rencontres de gens, plus les gens te parlent des autres randos et des courses qui ont lieu là, ici et là. Comme là, je vois Arcachon, on nous a parlé d'une course dans la Meuse. On nous a parlé d'ici. Nous, on était déjà branchés pour. Alors, je vais peut-être vous dire, sur le site Roller en ligne, il y a une partie calendrier et il y a plein de randos qui sont. On le sait, on y va, on va voir. On s'instruit. Depuis, on sait et on se renseigne. Mais au début, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est Olena qui nous a un peu aiguillé au début. Et Jean-Claude. Jean-Claude, quand même, qui n'est pas là aujourd'hui, qui aurait dû être là. C'est un vieux de la vieille. Vous avez fait combien de... Vous êtes venu comment à Nantes? En covoit. En covoiturage, combien de voitures? Deux. Parce qu'il y a beaucoup de bagages. On avait un enfant à déposer sur la route, donc au départ on était 6. Donc ça allait 2 véhicules. 6 bagages. Et combien de temps de trajet alors? Plus de 4h30. Ouais, à peu près. 5h. Oui, bah on a fait une bonne pause aussi. Nous de Sarlat. Sans pause, on peut dire 5h parce que vous êtes parti de Sarlat. Ouais. Le sud-est de la Dordogne. Oui, Sarlat, ça rajoute, une heure et quart. C'est clair. Ils ont du mérite de venir. C'est pas la porte à côté, ouais. Et donc ce soir, vous revenez chez vous. Et vous retravaillez demain ou vous avez posé la journée? Non, je vais travailler. Moi, j'ai posé la matinée, moi. Je reprends mercredi et toi tu reprends mardi. Gentiment. Est-ce que ça valait le détour? Ah oui, point massif. Alors là. On avait à Arcachon, donc on s'était engagé à venir, on ne pouvait plus reculer de toute manière. Ah ouais, c'est clair. Donc Denis de Nantes Roller. On était engagé. Ouais. Non, même hier, on a rencontré les cordes et on a du bassin. Ouais. Jusqu'au bout de la nuit. Vous savez qu'on a fait beaucoup de rencontres là. Et donc hier soir, vous êtes allé à... Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Racontez-nous. Gros chantier. Alors d'abord, apéro. Avec des huîtres et du vin blanc. Avec nos amis de camp. Avec vos amis de camp. Dans le monde, Parce que bon, il faut les dévergonder un peu, alors on les embarque. Ils sont sérieux, Ensuite, après on a fait un petit resto. Mais vous étiez mis en relation avec camp avant de venir? On se connaît, Laetitia. On se connaissait, on s'est déjà connus sur d'autres événements. La Grolle. On a fait connaissance sur le bord du circuit à la Grolle. D'accord. Il y a 2 ans. Ok, moi je viendrai vous interviewer après. Alors donc, vous avez pris l'apéro, vous avez invité, ok. Ensuite, après, on s'est fait un petit resto tous ensemble, une petite crêperie à Nantes. Vas-y, il se trouve que les hasards ont fait que leur chalet était juste en face d'une autre. Ouais, juste en face. Mais on avait prévu de se retrouver, on avait réservé dans le même camping exprès. C'était facile de nous retrouver. Et au resto, on est tombé sur. Donc là, on a Laurence qui est pas habituée à ne pas avoir de roller sur elle, donc elle est en chaussures et elle vient de glisser dans une flaque. Parce qu'aujourd'hui, il fait très beau, mais hier, il a beaucoup plu. Il a encore des flaques. Ouais. Donc là, elle avait des super chaussures bleues, mais maintenant, elles sont bleues et marron. C'est génial. Ouais. Je suis un peu comme Pierre Richard, j'ai un peu la blonde à la chaussure noire. C'est ça, attention, il y a des marées hein, ici. Oui, c'est attention. Les marées nantaises. Alors, le pire, c'est que c'est vrai, en fait, il y a du marénage jusqu'à Ancenis. C'est ce qu'ils disent. Ancenis, c'est entre Nantes et Angers. D'accord. Ouais. Voilà. Après le resto. Oui, après le resto. Vas-y, raconte. Non, raconte. Eh bien, donc, on est tombé sur une serveuse. Super chouette. Donc on s'est dit, elle a l'air tellement joyeuse, cette fille. Forcément, elle connaît les bons lieux de sortie à Nantes. Donc on lui a demandé. On lui a dit, nous, on aimerait bien un lieu où on danse les danses latines. Et elle nous a dit, là, il faut aller au Havana. Et en plus, ils ont des super cocktails. Hein, c'est ça qu'elle a dit. Et on a testé. C'est vraiment vrai. J'ai pris la bière. Chez le Néerlandais. Alors, c'est le Néerlandais. Est-ce qu'il y en a l'un d'entre vous qui a traîné des pieds et qui n'est pas sorti? Et qui restait. Non, pour ça, on a la même philosophie. Et on dansait encore au petit déjeuner. Philosophie, Hakuna Matata. D'accord, on a dansé à l'échauffement ce matin. Ce matin, pour faire le ménage, on a mis Hakuna Matata, c'est pas vrai? Ouais. Pour te la dire l'ambiance, quoi. Et donc là, vous avez fait. Qui a fait 30 km et qui s'arrête là et qui continue? Moi, je fais 30 km. C'est Laurent, c'est vrai. Moi, j'ai fait un arrêté aussi. Ouais. Parce qu'on a trop dansé hier. Ouais, ça va être pour ça. Ouais. Moi, j'avais prévu 65, mais j'ai mal à un genou, donc je pense que je vais continuer un peu, je vais voir, mais je suis pas sûr d'aller au bout. Mais voilà. Mais Yop est là, va faire le 65. Tant qu'à y être. Je verrai bien. L'honneur de l'équipe est encore là. Ouais. Mais en tout cas, on a super beau temps, donc ça, c'est cool. Ouais. Je vois. Par rapport à hier. Pas de problème. Eh ben, merci beaucoup. Merci Philippe. C'est Laetitia, c'est ça? Balado roller, ouais. Alors, Laetitia, tu es toute seule de Caen? Ah non, loin de là. Alors dis-moi tout, est-ce qu'on peut aller rejoindre les autres personnes? J'ai oh mince, bon, tu vas être la voix de Caen pour tout le monde alors. Julien? Ça va Julien? Il y a Julien, il y a Jean-Marc. Il y a Serge qui est caché. Donc t'es la seule fille? Il y en a une autre qui est là, mais elle a préféré visiter Nantes à cause du temps de ce matin. D'accord. Oui, elle voulait pas que ça glisse. Voilà, elle avait peur de glisser, donc elle a joué la sécurité. Je vois que tout le monde est en train de rechausser et je me demande si je vais pas faire de même. Dans 15 minutes, on part. Donc, ouais, je vais rechausser. Comment vous avez connu la randonnée? Et ben moi, je l'ai su par Christophe qui m'a envoyé un message, Christophe de Périgueux. Ouais. Qui m'a envoyé un message pour me dire il y a la rando à Nantes, est-ce que vous venez? Voilà. D'accord, et vous avez dit si après, vous moi, si j'ai vous proposé venez. À d'autres de Caen, du club. De... Mm-hmm. Moi, j'ai raccroché sur Facebook et puis après, je suis venu pareil. Content d'être venu? Ouais, carrément. Caen, Nantes, il y a combien d'heures de route? 3 heures. Vous êtes levé tôt ce matin, vous avez dormi à l'hôtel? Camping. Nous, on a pris un mobil-home au camping. Je sais bien. Le hasard a fait qu'on était en face 2. Ouais. J'ai passé la soirée à Paimbœuf. J'ai découvert les coins, les locaux, parce que j'ai un ami qui habite dans le coin, qui a emménagé il y a un an et demi. J'en ai profité pour aller voir comment il était. C'est l'occasion. Comment il était installé, quoi. Ouais. Et donc vous repartez ce soir? Oui, ce soir. Donc c'est pareil, vous travaillez demain ou pas? Oui. Ah ouais. Non, j'ai pris ma journée. Toi, ta journée? Il y en a les deux garçons là-bas ne travaillent pas demain. Et moi, oui, demain matin. Il y en a qui sont en retraite aussi. Il y a des retraités en fait dans l'Aune. On a la chance. On a sorti les retraités. Eux, ils poursuivent leur séjour à Nantes. Et vous êtes content d'être venu alors? Ah, très pour le moment. Ouais, non, c'était bien de refaire une randonnée avec du monde, de revoir des gens d'autres clubs. Très bien, merci beaucoup. Je vais chausser avant qu'on parte. Ouais. On s'approche tout doucement de la fin de cet épisode, donc c'est le moment pour moi de vous dire de vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas non plus que vous pouvez faire des dons sur Roller en ligne pour nous aider à faire du contenu comme le podcast ou des articles. Mais la meilleure façon de nous aider, c'est encore de me contacter pour me dire que vous voulez faire des chroniques dans ce podcast, comme ça je ne serai pas tout seul à travailler dessus. Venez rejoindre toute l'équipe de Roller en ligne, ça nous fera plaisir de vous accueillir. Avant de vous quitter, je vous passe une dernière interview que j'ai faite, mais le son est vraiment très très mauvais, donc courage à ceux qui veulent l'écouter jusqu'au bout. Il s'agit des deux vélos qui étaient en queue de cortège, donc je vous laisse l'écouter. C'était Balade au roller, le podcast à écouter lors de vos balades en roller ou ailleurs. Je suis avec deux personnes qui sont à l'arrière du cortège en vélo. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ce sont deux femmes. Moi, Noël, je viens du Calvados, de Caen. De Caen, Calvados? J'ai ma tante qui habite là-bas. C'est vrai? Oui. J'accompagne des rollers. Et tu fais du roller toi aussi ou pas? Non, pas du tout. Pourquoi t'en fais pas? Parce que j'arrive pas, ça me fait peur. D'accord. Donc le vélo, c'est très bien. Et tu dis t'accompagnes les rollers régulièrement? T'accompagnes qui? De temps en temps, bah, les autres canets, Serge, Laetitia, Jean-Marc. Est-ce qu'on les a déjà vus? Non, je sais pas. Et tu es qui par rapport à eux en fait? Eh ben, je suis la femme de Serge. D'accord. Et les autres, c'est le club de rouleurs. D'accord, d'accord. Donc tu fais de la logistique? Non. Non, pas régulièrement. Non, je suis de temps en temps quand ils font des balades le dimanche matin. D'accord. Ça m'arrive. Et là, en fait, tu es officiellement sur la randonnée ou tu l'as fait? Officiellement. Non, officiellement. Ça, d'accord. Non, mais... Et en tout cas, c'est bien organisé. Hein. Ouais. Je trouve que l'encadrement est très bien. Moi, je connais tu pas. Tu connais pas ta vie, donc hein. je vais faire connaissance. Du club de Nantes. Hein. Ouais. Il a fait un petit peu de roller, elle m'a dit. Ok, alors attends, je vais aller ralentir pour aller à son niveau. D'accord. Et... À tout à l'heure. Alors, je suis en train de ralentir. Comment est-ce que tu t'appelles? Alors, Corinne. Corinne, est-ce que tu connais ta binôme? Ouais. En vélo avec toi là. Oui. Tu la connais depuis quand? Depuis cette rando. Ah d'accord. Est-ce que vous avez... J'ai l'impression que vous discutez beaucoup entre vous. Exactement, quand on se retrouve à l'arrière, on en profite. On laisse les autres rouler devant. Et toi-même, tu fais du roller? Oui. Tu es dans quel club? RCH, club organisateur. Très bien. Et aujourd'hui, t'es pas trop déçu de pas faire du roller et de faire du vélo? Vu le départ, non, ça va. Je suis rassurée, je suis très bien sur mon vélo. Qu'est-ce qu'il y avait au départ? Alors, il y avait quand même le lancé, le fait qu'il y ait eu une rafale cette nuit, pour trois, beaucoup de brindilles, de feuilles, ouais. Pas en sécure, donc il faut laisser la place aux autres. Exactement. Alors pour information, le record de pluie tombée, c'était en 1977, il y a eu 92 mm de pluie tombée. Et là on est à 100. Et là on est à 100 mm de pluie tombée cette nuit. Ouais. Donc voilà, à Nantes. Voilà, c'est juste pour information. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail là sur le... Alors là je suis une tortue. Ouais. Je me mets à l'arrière de la rando et je vois s'il y a des personnes qui sont en difficulté, s'il y a des problèmes particuliers. Essayer de rester aussi groupé. Ouais. Essayer d'avoir une distance de 300 mètres à peu près entre le début et la fin. Ouais. Sachant qu'on a un camion qui nous accompagne, donc s'il y a quelqu'un qui est en difficulté, il peut tout de suite monter dessus. Donc voilà, tout est fait pour rassurer les randonneurs. C'est fini là. Non, le podcast est fini. Tu sais, j'ai dit la phrase de fin. Balade au roller, le podcast à écouter lors de vos balades en roller ou ailleurs. Quand je dis cette phrase, c'est que l'épisode est terminé. Il n'y a pas de scène post-générique, on n'est pas dans le Marvel Cinematic Universe là. Bon, alors, comme t'es gentil et que t'es resté jusqu'au bout de l'épisode, alors que le son était dégueulasse, je te donne le bonus, tu vas avoir le droit d'écouter la fin du générique, et ce sera aussi la fin de l'épisode. Et moi je n'interviens plus. N'attends pas, je ne réinterviens plus sur cet épisode. Bonne écoute à toi pour la fin du générique.